maintenant je suis ailleurs. En ville je me balade, capuché comme le guetteur. Oh là que ça fait peur, j'ai toujours la balafre. Nah, c'est brave. J'avais plein de problèmes dans ma tête, et ouais, je te laisse le volant ce soir, je suis pas bien, je sais pas pourquoi, pourquoi. T'avais pas compris la tête dans mes soucis, et toi tu l'avais juste pris pour toi. On t'avait dit qu'on est dans toute la ville, mais tu la voulais juste pour toi. On est calé, on est cool, je sors du quartier, c'est le petit frère qui tient les comptes. J'ai toujours porté mes couilles, je t'ai tendu la main quand t'étais au plus bas de la pente. On traînait dans la ville, on partait, on revenait, on deal, pour toi c'est l'asile. J'ai le cœur bien abîmé, fallait rien lâcher, détermine, il nous faut de la monnaie. Hier j'étais tout seul, ça m'a fait gamberger. Je me suis pas fait tout seul, il y avait du monde au QG. On peut pas l'effacer, le passé c'est le passé. Si plus moi je vais tracer, laisse-moi juste les clés. Faut qu'on se balade. Monsieur l'inspecteur, pourtant je suis pas.